Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 238, spécial film avec les bandes de copains. Et pour cette émission de Cinéphage, je serai accompagné de Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec qui nous allons évoquer bien ses goûts cinématographiques et une partie de la filmographie autour du thème du jour, donc les films traitant des bandes de copains. Donc on va voir que c'est assez vaste. On finira par un quiz vu pas vu comme d'habitude, non exhaustif, parce que sinon, comme je dis toujours, on serait encore là demain. Mais donc, place à toi et le cinéma, Ludovic. Alors, quelle est ta profession ? Alors, je suis responsable de projet marketing dans le domaine bancaire. Donc voilà, mon travail consiste à collecter les besoins des clients, savoir quels sont leurs besoins et leurs attentes. Sinon, quelles sont tes passions ou hobbies dans la vie ? Alors, bah, bien évidemment, le cinéma, donc on en parlera durant cette émission. Ça, depuis mon enfance, le cinéma est quelque chose d'important pour moi, c'est toujours d'actualité. Je suis musicien, j'adore la musique. Donc là, c'est quelque chose que je pratique assez régulièrement. Je fais du saxo et de la guitare. Et je suis un grand fan de rugby. Voilà, d'accord, donc sportif, musicien, cinéaste, voilà, t'as plein de passions. Oui, j'ai de quoi m'occuper, oui, en effet. Et que tu la transmets d'ailleurs à ton fils Léandre, qui est aujourd'hui avec nous, qui écoute un petit peu l'émission. Et donc, qu'est-ce que t'essayes de lui transmettre au niveau cinéma ? Alors, les films cultes, voilà, les films qui m'ont bercé durant mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Ben voilà, les films cultes, c'est ceux que l'on partage notamment, que ce soit avec les copains, avec la famille et puis bah, avec le fiston. Donc là, on a commencé une petite panoplie de films incontournables. Eh bien justement, on va venir à ton premier souvenir de cinéma. Alors, on remonte dans le temps. Alors, mon premier souvenir de cinéma, celui qui m'a marqué, c'était avec mon papa. J'habitais en région parisienne à Colombes. C'était au cinéma Les Quatre Clubs. Et c'est quand il m'a emmené voir Robin des Bois avec Kevin Costner. Donc voilà, au passage, Kevin Costner est un de mes acteurs fétiches, mais ça m'a marqué parce que voilà, j'étais content d'aller au cinéma avec mon père. C'était le dimanche matin, parce que c'était toujours des moments privilégiés d'aller au cinéma le dimanche matin. Et bah voilà, ça m'a marqué parce que c'était un moment de partage. Le film en tant que tel m'avait marqué. Oui, en plus, c'est pas un mauvais Kevin Costner. Hein. Exactement. Donc voilà, c'est un des premiers souvenirs que j'ai sur, bah, sur l'univers cinématographique. On peut dire en petit aparté que si le sujet n'avait pas été pris de Kevin Costner, hein, c'est Franck qui l'avait fait avec nous, c'était un des thèmes que tu avais choisi. Bien sûr. Et on a, on a un petit peu changé les thèmes bah, à cause de ça. Mais il y a de quoi dire sur la bande de copains aussi. Alors, au niveau du format de cinéma, est-ce que tu serais plutôt noir et blanc, VO, numérique ou traditionnel ? Alors, je suis plutôt traditionnel parce que pour moi, c'est un format qui ne vieillit pas. Pas tant que ça. Alors, c'est-à-dire quand on revoit les films en format traditionnel, on sent qu'il y a quand même une petite trace de passé, mais ça vieillit bien. Le numérique, au fait, je trouve que la différence dans le temps, elle est beaucoup plus marquée. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, il y a cet aspect esthétique. Et puis, il y a le côté nostalgie aussi du format plutôt traditionnel. Le format 3D... Je trouve qu'il faut qu'il y ait encore plus de profondeur dans l'image pour que ça nous marque, pour que ça me marque beaucoup sur la 3D. Oui, puis en plus, on voit que c'était souvent un effet de mode. Hein. C'est très rarement maintenant des films en 3D, on en voit de moins en moins. Oui. On a plutôt l'impression que c'était un coût financier. En plus, il y avait 15 minutes parce que l'œil n'est pas adapté à plus d'images que ça. Et puis, bon, bah, on a mis un petit peu... Bon, autant un film comme Avatar, oui, ça a été vraiment un plus. Oui. Que certains films, c'était vraiment un gadget. Hein. Bah, des fois, on se pose la question si ça a vraiment été tourné en, en 3D tellement il n'y a pas de profondeur. Tout à fait. Et du coup, je rebondis sur un autre souvenir, et notamment sur la 3D. La première fois que j'ai vu la 3D, c'était à la Géode, donc qui est au parc de la Villette, qui est un cinéma à 360 degrés. Et c'est là où j'avais vu un documentaire en 3D, mais de la vraie 3D. On avait l'impression que l'on pouvait toucher les météorites, les débris spatiaux. Donc c'est aussi un des souvenirs. Comme on dit, oui, c'est surtout le fait que ça a été tourné exprès pour la 3D. Oui. Donc on s'est attaché aux détails, on a pris du temps de le faire. Parce qu'il y a pas mal de films, oui, c'était commercial, fallait mettre quelques séances de 3D parce que c'était à la mode et... Exactement. Et en effet, pareil à Poitiers, il y avait pas mal de films en 3D qui étaient intéressants au Futuroscope, parce que c'était des films qui ont été tournés spécialement pour ça. Voilà. Alors la vaste question, c'est que représente le cinéma pour toi ? Alors ça représente beaucoup de choses. Alors ça représente les sorties avec les copains, parce que quand on est ado et qu'on veut commencer à sortir entre copains, souvent, on va au cinéma, donc ça représente ces moments-là. Ça représente le dimanche matin, certains dimanches matins avec mon père au cinéma, les 4 clubs. Ça représente aussi mes années lycée, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de passer un bac littéraire option cinéma. Et donc, du coup, pendant toute ma scolarité, de la seconde à la terminale, j'ai baigné dans le cinéma. On apprenait à avoir un regard critique sur le cinéma, à faire du découpage technique, à faire des scénarios, des notes d'intention, et puis à découvrir des univers que l'on n'aurait pas pu avoir, que moi je n'aurais pas pu avoir en tant que simple spectateur. Donc l'univers cinéma, ce sont mes années lycée. C'est aussi traîner au Festival de Cannes. Quand j'y traînais au Festival de Cannes, c'était être devant le Palais des Festivals, parce que j'habitais dans la région, donc étant fan de cinéma, j'allais là-bas. Et je demandais aux personnes qui avaient des accréditations si elles allaient voir les films ou pas. Et si elles n'y allaient pas, elles donnaient volontiers en général les invitations. Donc c'est aussi... Le Festival de Cannes, alors pas en smoking, c'était pas les séances de 19h, mais c'était plus les séances dans la journée. Et puis c'est aussi l'univers télé. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que quand j'étais enfant, il y avait un programme qui s'appelait Le Mardi, c'est permis, qui passait sur TF1. Et c'était en général des films plutôt accessibles aux enfants et à la famille. Et donc moi, quand je voyais le générique Le Mardi, c'est permis, il n'y avait pas école le lendemain, j'étais content de pouvoir regarder... un film, le mardi soir. Donc voilà, ça a vraiment jalonné plusieurs étapes de ma vie, le cinéma. Puis c'est vrai que c'est dommage parce que à la télé actuelle, le cinéma, avec toutes les plateformes, ça a un peu tué le fait de ces émissions comme La Dernière Séance, oui. Mardi, comme tu l'as dit. Voilà, il y a maintenant, on saucissonne, il y a même plus d'émissions pour les enfants. Pendant les vacances, pas d'émission spéciale. Avant, nous, je me rappelle, il y avait des programmes spéciaux à chaque vacances. Et puis, encore plus loin, chaque dimanche après-midi, il y avait des films, des vieux films, des westerns, des choses comme ça. Donc, on pouvait avoir un petit peu... ou Monsieur Cinéma avec Pierre Tchernia. Maintenant, on manque vraiment d'émissions. On a des émissions de critique de cinéma, mais ça touche un certain public. Exactement. Comme tu dis, c'est de la critique. C'est un petit peu l'intelligentsia parisienne. Et c'est un petit peu dommage parce que... Le cinéma, c'est un art populaire et ça devrait être accessible à tous, aux enfants, aux ados, aux adultes et aux anciens. Pour moi, justement, c'est une passerelle de transmission entre les âges et on loupe un petit peu ce côté. Mais il y a des émissions qui essayent de perdurer un peu comme le beau geste de l'émission de Pierre Lescure. Je pense aussi le cinéma de minuit aussi, ça permettait à des cinéphiles, entre guillemets, de découvrir des classiques en noir et blanc souvent, et puis de faire une culture cinématographique, comme tu le disais tout à l'heure. On n'a pas tous la chance d'avoir un moment dans ces études. Toi, t'as justement choisi le bon moment et le bon endroit, mais c'est pas le cas de tout le monde, et donc c'est un petit peu dommage. Eh bien, je vais te demander maintenant quels sont tes trois films préférés, trois maximum. Donc si t'en as que deux ou un, mais maximum trois. Alors, un de mes films préférés, c'est Édouard aux mains d'argent, de Tim Burton. Alors, c'est déjà un univers qui est plaisant, qui me voilà, qui c'est un univers fantastique, un univers qui est propre à Tim Burton, qui est à la fois coloré et sombre. Et plus spécifiquement, Édouard aux mains d'argent, bah, parce qu'on retrouve l'artiste. Alors, chez Tim Burton, il y a l'artiste assassin, l'artiste naïf, l'artiste enfant. Donc là, on a un peu l'artiste solitaire. On est dans un conte, au fait, dans un conte très manichéen aussi. On voit voilà, que le bien contre le mal essaye de, bah, au début de cohabiter. Et puis, finalement, les différences font peur dans ce oui, film-là. C'est vraiment un film sur la différence. Et voilà, je trouve que c'est un film, c'est un très, très beau conte. Quand on voit les couleurs pastel dans la banlieue, dans le film, dans la banlieue résidentielle, qui tranche bien avec l'univers sombre du manoir, du château dans lequel vit Édouard. Voilà, ça fait un peu des montagnes russes visuelles, je trouve. Voilà, c'est pas un film noir, c'est pas un film clair entre guillemets. C'est du Burton. Voilà, c'est un univers très très spécial avec bon bah comme à chaque fois une bande originale qui est très prenante. Hein, Danny Elfman et Tim Burton se sont bien trouvés. Donc c'est pour ça que Édouard aux mains d'argent, c'est un film qui me plaît énormément. Et il m'a touché celui-là aussi parce que peut-être quelques semaines avant de voir Édouard aux mains d'argent pour la première fois, j'avais vu quelques extraits de Freddy. Donc lui aussi, un homme qui n'a pas toutes ses mains. Et ce film m'avait effrayé. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais regardé Édouard aux mains d'argent et je me suis dit, bah, finalement, un personnage d'horreur que j'ai vu il y a quelques semaines, on retrouve un personnage plutôt attachant. Plus poétique. Plus poétique. Et ça m'avait marqué aussi dans ce sens-là. Et le deuxième, alors on est plus sur un film, on va dire un scénario éclaté, avec des personnages qui en imposent, c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Il me plaît énormément celui-là, c'est un de mes films cultes parce qu'on peut le regarder petit bout par petit bout. Ce sont des scènes vraiment construites les unes par rapport aux autres, mais aussi séparément. Donc il y a des liens dans ces différentes scènes avec un jeu d'acteurs formidable, des personnages qui en imposent, hein, les personnages joués par Uma Thurman ou par Bruce Willis, Samuel Jackson, enfin voilà. C'est John Travolta qu'on s'attendait plus à voir dans des rôles comme ça. Et puis des dialogues, enfin c'est un film qui est beaucoup basé sur les dialogues. Alors, c'est pas un film d'action en tant que tel parce qu'il n'y a pas énormément d'action, il y a de la violence, on est bien d'accord, mais ça se base essentiellement aussi sur les dialogues. Et c'est un génie d'avoir pu écrire un film comme ça, qu'on n'a pas retrouvé ailleurs. C'est vrai que j'aime bien Tarantino, Pulp Fiction est vraiment à part entière, et puis bah, la bande originale aussi de Pulp Fiction qui est extraordinaire. Donc voilà, je m'arrêterai à, ouais, à deux. Non, mais ouais. C'est déjà deux bons films, très différents. Mais sinon, si je te demandais quel est ton acteur préféré et pourquoi ? Alors, c'est Kevin Costner, acteur mythique des années fin 80-90, parce que je trouve qu'il choisit des personnages touchants, courageux. Il joue juste sans trop en faire, que ce soit dans Danse avec les loups, dans Bodyguard ou dans Un monde parfait de Clint Eastwood. Un personnage qui peut être un peu austère sur certains aspects. Et puis voilà, c'est le Kevin Costner a été un acteur très bankable, c'était l'acteur phare des années 90 et qui moi m'a bercé. Et c'est vrai que à chaque fois j'attendais avec impatience la sortie de ces films pour aller le voir avec mon père. Donc c'est mon père en fait qui m'a fait découvrir Kevin Costner. Et voilà, j'ai un attachement particulier à Kevin Costner parce que aussi il a un registre très varié. Alors, c'est ce que j'allais dire. Il est très connoté et à juste titre dans les films de western, mais il n'a pas fait que ça. Il a réussi de très très bons films. Enfin, Robin des Bois, ce n'est pas un western, c'est un film historique. Voilà. Puis pareil, je ne sais pas sûrement s'il y a eu des films qui ont été détruit, comme The Postman, qui n'était pas si mal que ça. Non, alors c'était pas son meilleur plus. Oui, mais je veux dire, il a été détruit alors que des navets, on peut en voir et des meilleurs. Je veux dire, Waterworld, c'est pareil. C'est un Mad Max sur l'eau. Et l'avantage, c'est que c'est quelqu'un, il est producteur et il prend des risques. Ce qui est de plus en plus rare à Hollywood, où on veut gagner de l'argent sans en mettre. Et lui, c'est quelqu'un qui, comme tu disais, il s'investit dans un projet, il s'investit à fond. Ah, il le fait à fond, mais aussi bien sur la partie technique que sur la partie esthétique. Voilà, il travaille beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'était le cas dans Danse avec les loups. C'est un film qui, pour moi, est très, très esthétique. Il a refait l'exercice avec Horizon, alors qui, malheureusement, moi m'a plu. Mais malheureusement, a été un flop, à tel point que pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que le 2 va sortir. Voilà, alors que moi, je l'attends avec impatience, parce que pour moi, il était génial. Eh bien, écoute, Alain, on pourrait peut-être aller le voir ensemble, le chapitre 2 de Horizon. Et voilà, en effet, il prend des risques. Pourtant, il a été salué par la critique. Je crois qu'à la Mostra de Venise, il a une standing ovation, au Festival de Cannes aussi. Par contre, le succès populaire n'a pas été là. Oui, mais je pense qu'aussi, c'est une façon, quand les critiques le désinguent sans arrêt, enfin la critique cinématographique, ce que j'appelle, oui, parce que on aime bien, parce que comme il a eu des échecs, on aime bien remettre les gens dans des échecs, je trouve. Et on ne lui donne pas la visibilité qu'il pourrait avoir. C'est pareil, si on ne distribue pas dans les salles correctement, on ne fait pas une bonne pub, c'est facile de descendre. Il y a plein de films comme ça qui n'étaient pas des chefs-d'œuvre, mais de bons films, et qui ont été descendus pour des raisons. C'est vrai que si tout le monde dit « Ah, c'est pas bien », on sait que le public, malheureusement... et puis, on dit, à l'inverse, on va dire « c'est bien », et puis bon, c'est pas si terrible que ça. Donc, je pense que ouais, c'est un acteur, réalisateur, producteur qui n'est pas aidé. Et puis, je suis content qu'il continue à se battre. C'est bien aussi des gens qui retombent et qui se relèvent et qui continuent et qui retombent et qui se relèvent. C'est aussi un symbole de ne pas abandonner quand on a ses rêves et d'aller jusqu'au bout. Exactement, ça rejoint les personnages qui jouent. Hein. Tout à fait. Alors, au niveau des actrices, est-ce que tu es une actrice que tu aimes particulièrement bien ? Alors, j'adore Reese Witherspoon. C'est pour moi une actrice très talentueuse et qui joue un registre très très large. Elle est capable de jouer la nunuche de service. C'est ce que j'allais dire souvent. La blonde. Voilà, la revanche d'une blonde a été un film, bon... Voilà, si on ne le voit pas ce film, c'est pas bien grave. Mais par contre, après, elle a choisi des films et elle est capable de tout jouer. Enfin, dans Walk the Line, elle est formidable aux côtés de Joaquin Phoenix. Dans le film Wild, qui est un road movie dans lequel elle fait une randonnée de 1700 km pour une question de rédemption, de remise en question... Elle est très bien dans ce film. Dans De l'eau pour les éléphants aussi, aux côtés de Robert Pattinson, ils font un formidable couple, c'est vrai que ça donne duo. Voilà, donc c'est pour moi une actrice qui a une palette très très large. Elle sait choisir ses films. Elle n'a plus rien à prouver. C'est vrai que de temps en temps, ces dernières années, elle a rechoisi des films un petit peu plus légers. Parce qu'elle avait aussi envie de changer un petit peu, mais elle a beaucoup choisi aussi des films au caractère fort, et c'est pour moi une des meilleures. Oui, de toute façon, comme on dit, un acteur ou une actrice, on le reconnaît à ses rôles. Quelqu'un qui joue toujours dans le même registre, pour moi, c'est un interprète, mais pas vraiment un acteur. Et au niveau des réalisateurs, quel est ton petit chouchou ? Ah, le petit chouchou, c'est Tim Burton. J'allais le dire, je pensais que c'était... Tim Burton, parce que voilà, c'est un univers assez spécial. Pour moi, il n'y a que lui qui arrive à créer cet univers. Enfin, des décors sortis d'un imaginaire, mais on ne sait pas d'où il sort ça. Des scénarios alambiqués, mais en même temps, on n'est pas sur du Christopher Nolan, donc on arrive à comprendre l'histoire. Le pourquoi du comment, du parce que, comme on dit. Des personnages torturés, des personnages drôles, des personnages touchants. Voilà, la série aussi qu'il a réalisée sur la... Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi je trouve que Burton, depuis qu'il est retourné chez Disney, C'est pas ça. C'est pas ça. Non, bah non, parce que Tim Burton, c'est un électron libre, un esprit libre, et donc il vient de chez Disney. C'est et ça qui est marrant, parce qu'il connaît la maison, il essaye d'imposer ses goûts, mais derrière, on voit qu'il y a la machine Disney qui est assez castratrice. Bah, c'est ça, il est bridé, même s'il met son univers, mais bon, Dumbo... Il est pas mal, mais c'est pas son meilleur. Mais il y a aussi cette même histoire, au fait, où il a eu des commandes et on sent qu'il a pas eu toute la liberté. C'était sur la planète des singes. La planète des singes, le remake était... C'était pas mal. Mais... C'était pas mal, mais on sent qu'il avait pas les mains libres. Et c'est vrai que c'est surprenant d'être retourné chez Disney, sachant que, bon, c'est là où il a fait ses armes. Mais il a quitté Disney parce que il avait son propre univers, il voulait créer son propre univers. Et donc l'univers Burton, voilà, c'est, on peut pas le comparer, ça reste du fantastique, il reste indissociable de Danny Elfman. On reconnaît tout de suite à la patte et Johnny Depp. Et Johnny Depp aussi, c'est vrai. C'est son acteur fétiche, quand c'est même. Vrai, c'est son, tu fais bien de le souligner. Et c'est vrai que la musique du générique de Cinéphage, il y a des petites touches, je trouve, de Danny Elfman. Je te remercie d'avoir comparé ça. Et c'est Epica qui joue ce... Je cherchais à l'époque un morceau. J'aurais pu très bien prendre une bande originale de film classique. J'ai dit non, je vais aller chercher quelque chose qui ressemble à une musique de film, mais qui n'en est pas une. Et c'est comme ça qu'est né le générique de Cinéphage. Ben justement, on va rebondir avec la musique. Quelle est ta musique de film favorite ? Alors, pour moi, c'est Summer du film L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano. C'est une musique douce, mélancolique, avec le piano qui domine, hein, qui est une sorte de balade qui rend tout guéré. En fait, quand on écoute cette musique, on a envie de prendre l'air libre, qui est envoûtante parce que, à la manière d'une symphonie, t'as les cordes qui viennent se rajouter, puis après les pizzicato. Et voilà, c'est une musique que j'écoute régulièrement dans le TGV pour avoir l'esprit un petit peu plus léger. Donc moi, c'est une de mes musiques préférées. Eh bien, on va faire une petite pause musicale sur le thème du jour avec la bande originale du film français Les Copains. Et c'est bien sûr Les Copains d'abord de Georges Brassens. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ces flux. Tuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. De retour dans ce cinéphage spécial Les Copains avec Ludovic. Eh bien, Ludovic, quel est ton genre de film préféré? Ton ou tes genres? Alors, ça va être mes genres, parce que bah, ça évolue au fait au fil de l'âge. J'ai pendant longtemps adoré les vieux films en noir et blanc, parce que je trouvais qu'il y avait une belle esthétique. Les films étaient plutôt bien écrits avec des acteurs imposants, donc... Voilà, j'ai bien aimé ces films-là. Alors, quand on dit noir et blanc, c'est un spectre très, très large, mais voilà, les films de Lautner, les films avec Gabin, et puis j'ai bien aimé aussi les films de Buster Keaton ou les films de Charlie Chaplin. Voilà, l'esthétique, la manière dont sont écrits ces films en noir et blanc m'ont beaucoup plu pendant toute une période, et aussi où... j'avais un regard critique du fait de mes études au lycée. Et puis après, ça a changé. J'ai pris goût sur les films d'action. Et aujourd'hui, je vais volontiers voir les films d'action. Ça me permet de les partager avec mon fils. Et il y a des films cultes qui sont incontournables. Donc, c'est l'univers qui, en ce moment, m'attire le plus. Par contre, si je te dis... Quel genre de film t'attire peu ou pas du tout? Alors, les films que je ne vais pas voir et que je n'aime pas, ce sont les films de super-héros. Pourquoi? Parce que c'est la course aux effets spéciaux. Il y en a en veux-tu, en voilà. C'est cousu d'avance, on sait comment ça va se passer. Il y a le méchant, il y a les super-pouvoirs, il doit sauver le monde. En général, voilà, on sait comment ça se passe. C'est un peu comme les films de Noël, finalement. On sait le scénario, on le connaît. Et ben pour moi, les films de super-héros, c'est la même chose. Et puis, il y en a tout le temps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le malheur des films, ben, c'est que c'est la poule aux œufs d'or. On en met à toutes les sauces. Il y en a certains qui sont pas mal, ou qui étaient pas mal. Et je le dis pratiquement à chaque émission, le remake du remake du remake, ben voilà, ça tue. Il y a un scénario mince comme un fil de rasoir, les effets spéciaux, les combats, et voilà. Bon, bah, payer pour voir ça tout le temps, moi j'ai du mal. C'est pareil. Il y en a des bons, moi j'ai certains qui sortent un petit peu du lot parce que. Il y a une histoire derrière, je pense Wonder Woman, par exemple, ça se passe pendant la guerre 14, il y a un petit peu une trame derrière qui change, mais alors de voir les aventures de Spider-Man, ça fait Martine à la plage un peu à un moment, parce que Spider-Man fait du ski, voilà, on se retrouve avec toujours, et on change les acteurs, mais c'est mince, quoi. Bah, on est dans le divertissement, alors je comprends que ça plaise, le cinéma est un divertissement. Oui. Mais pour moi, on tire trop sur la corde. Y a plein de franchises aussi qui sont comme ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui, ben je pense. C'est ça. On essaye de tuer absolument. Puis aussi cette manie. Un réalisateur va sortir un film sur un thème. Tout de suite dans l'année, on va voir 3-4 films sur le même thème. Donc une paresse. Surtout, je trouve une paresse des scénaristes. Pour rechercher des idées, il y en a plein des idées, il y a plein de romans qui n'ont pas été adaptés, mais à une époque, ce qu'on disait aussi, on avait des producteurs qui n'étaient pas intéressés que par l'argent, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient des lettrés, qui étaient cultivés, et qui avaient un certain regard et un certain choix sur leurs films. Alors que maintenant, bah, on demande que de ramener de l'argent, ramener de l'argent, ramener de l'argent. Mais c'est bien aussi d'être cultivé, les deux, l'un n'empêche pas l'autre, mais là, on a vraiment que ce rapport financier, je trouve, de rentabilité, de film bankable, comme on dit. C'est l'industrie du cinéma. Hein, c'est vraiment, de l'industrie. Et c'est un peu dommage, parce que, bon, bah, c'est bien aussi que tout ce genre de cinéma existe. Et en plus, le problème, c'est par rapport au cinéma, bah, ça prend les salles, parce que ça marche bien. Donc, ça prend les places, ça va rester pendant 3, 4, 5 semaines, et ça prend la place d'autres films qui pourraient être intéressants, alors que certains de ces films, bon, bah, au bout de 2 semaines, ça y est. En plus, on sait qu'on va les revoir à la télé, on va les revoir sur les plateformes, surtout maintenant, à notre époque. Donc, voilà, moi, je trouve que ça phagocyte un petit peu l'industrie du cinéma. Oui, je te rejoins. Maintenant, si je te demandais quel film t'a le plus marqué en bien ou en mal, un film que tu te souviendras toujours. Alors, c'est Les Tontons Flingueurs, parce que pour moi, un film en noir et blanc, c'était forcément un film un petit peu vieillot, un petit peu lent. Et je n'avais jamais vraiment regardé de film en noir et blanc. Et puis un jour, on me présente Les Tontons Flingueurs. Je dis, bon, allez, regardons. Et il m'a marqué parce que je me suis dit « Ah oui, mais au fait, un film en noir et blanc, il peut être super. » Par l'esthétique, c'est vrai que noir et blanc, ça peut surprendre sur le côté esthétique, mais c'est un film en noir et blanc peut être très beau aussi. Et c'est surtout la réalisation, enfin le scénario, avec des dialogues et des acteurs qui sont phénoménaux. On est vraiment... pas dans la bande de copains pour le coup, mais... En dehors, oui, c'était une bande de copains. En dehors, oui, mais dans les Tontons Flingueurs, on est plus sur un film de règlement de compte. Et il m'a marqué parce que je me suis dit, ah, au fait, il faudrait que j'essaye de voir des films un peu plus vieillots. Je suis sûr que je peux me régaler en découvrant d'autres films. Et donc, il m'a marqué parce que pour moi, c'était un tournant. Ça m'a permis de découvrir le cinéma d'avant. Il n'y a absolument pas un côté péjoratif quand je dis ça, mais c'était un autre cinéma et qui, en fait, était sublime. Et du coup, bah, j'ai pu, après, m'ouvrir sur du Charlie Chaplin, sur du Buster Keaton. Et je trouve que, voilà, c'était un tournant. Et j'espère qu'un jour, je pourrai faire des découvertes, des films en noir et blanc à Léandre et qu'il sera d'accord pour que je présente un ou deux films cultes. Et puis il y en a de toutes sortes, parce que c'est ça, on dit noir et blanc, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est vaste. Hein. On peut en avoir des films d'aventure, des films d'horreur, de science-fiction, il y a d'excellents vieux films que, d'ailleurs, on fait des remakes, parce que ça c'est très à la mode, et on s'aperçoit, ah bah tiens, bah oui, ça a été fait dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, 60, donc c'est toujours intéressant de voir la matière qui a servi à faire un film moderne, par exemple, et de comparer. Oui. Alors, si je te demande, tiens, le dernier film que tu as vu au cinéma? Alors, c'est le week-end dernier, on parlait de cinéma de divertissement, je suis allé voir Jurassic World. Alors bah, je ne l'ai pas encore vu. Écoute, comment dire, au bout d'un moment, voilà, on parlait tout à l'heure, il faut arrêter de tirer sur la corde, là maintenant... Alors, la franchise Jurassic Park, elle était phénoménale. Enfin, voilà, on était dans un nouveau genre qui est devenu culte. Ça a révolutionné, puisque s'il y a le Seigneur des Anneaux derrière, c'est parce qu'il y a Jurassic Park. Voilà, ça a ouvert la porte. Parce qu'on a vu qu'on pouvait faire avec les effets spéciaux qui avaient vraiment franchi un grand pas avec le numérique. Paf ! Ça a ouvert Et puis c'était magnifique. Le premier, c'était, on en prenait plein la tête. Et puis quand il repasse, tu zappes et tu t'arrêtes dessus. Hein. Jurassic World, non, la fois arrêtée avec les dinosaures mutants. Là, on sent qu'on a atteint, on a vraiment tiré jusqu'au bout. J'avais l'impression de voir Alien aussi. À un moment, le dinosaure final ressemble un peu à un xénomorphe. Je n'avais pas vu les autres Jurassic World à part le premier. Voilà, parce qu'il y a Jurassic Park et Jurassic World. Scarlett Johansson est une très bonne actrice, mais là, elle ne rattrape vraiment pas le film. Donc, voilà, c'était du divertissement, mais à oublier. Donc, un petit clin d'œil à Damien, qui nous avait fait un spécial dinosaure il y a quelques temps. Quand on se rencontrera, je lui demanderai s'il l'a vu et ce qu'il en a pensé, lui qui était le monsieur dinosaure. Maintenant, imaginons que tu fais une soirée avec des copains et ou la famille, et tu as envie de leur présenter trois films qui te tiennent à cœur et que tu as envie de leur faire connaître. Quelle serait ta liste ? Alors, il y a aussi bien faire connaître que à voir aussi entre amis. Alors, un film à voir entre amis, alors ça va être très stéréotypé, mais c'est Les Bronzés. Les Bronzés pour les répliques cultes, voilà. En regardant ça avec les copains, c'est un concours à celui qui trouvera les répliques. Donc pour moi, c'est un incontournable, ça, regarder aussi avec des copains. Ensuite, un film d'action quand même, entre copains, on aime bien voir les films d'action. Donc Piège de cristal, on va commencer par le premier, voilà, avec John McClane. Et puis après, pour faire découvrir, moi je ferai découvrir un petit peu mon univers et j'aimerais vraiment montrer que c'est une actrice formidable, un film avec Reese Witherspoon. Alors ce serait Walk the Line ou De l'eau pour les éléphants. Voilà les trois films que... Voilà, donc une soirée assez éclectique. Et puis on rigole, il y a de l'action, et puis on réfléchit un petit peu. Exactement. Voilà. C'est vraiment le cinéma. Et bien maintenant, on va passer au portrait cinéma. Si tu étais un film... Alors, si j'étais un film, j'en ai parlé tout à l'heure avec la musique, donc L'été de Kikujiro. L'été de Kikujiro, c'est un petit garçon qui est élevé par sa grand-mère, ce sont les vacances d'été, il s'ennuie et il va retrouver sa maman, qu'il connaît pas. Donc sa grand-mère lui dit « tu vas pas y aller tout seul », un ex-yakuza va l'accompagner et on part pour une aventure poétique. Et en fait, la vie au fait, est une aventure faite de haut et de bas. On a des objectifs, il faut savoir parfois affronter les obstacles, saisir les opportunités, le tout en essayant d'avoir un état d'esprit plutôt positif, essayer de voir la vie du bon côté. Et puis, il y a des moments de mou aussi, des moments où on est un peu plus triste. Les montagnes russes. Ce sont les montagnes russes. Et donc, je trouve que ce film-là reflète bien un peu cet état d'esprit avec une jolie bande-son. Donc, voilà. Pour moi, ce serait l'été de Kikujiro. Si tu étais un acteur ou une actrice. Alors, ce sera un acteur... Je tiens pas en place. En fait, je veux faire beaucoup de choses à la fois. Je cours un petit peu partout. Et donc, il y a un acteur qui est comme ça, qui bouge tout le temps, c'est Louis de Funès. Alors, si j'étais un acteur, je serais Louis de Funès, pas pour le côté comique, mais pour le côté... dynamique, à fond. Dynamique. Ça peut un peu agacer mon entourage, des fois, quand je veux faire 36 000 choses à la fois. On me dit, mais pose-toi un peu, tu peux pas te poser. En fait, je veux faire beaucoup de choses... En même temps, je cours donc à la manière de Louis de Funès. Et si tu étais un personnage de film ? Et si j'étais un personnage de film, alors, quelqu'un qui va au bout des choses, qui essaye de bien s'entourer pour mener son objectif, avec une petite pointe de légèreté aussi, en étant à la fois posé pour essayer d'avancer, mais avec une petite pointe de légèreté. Et donc, moi, ça me fait penser à Axel Follet. Axel Follet, le flic de Beverly Hills. Très belle imitation, Alain. Et je trouve que Axel Follet, voilà, c'est un personnage assez sympathique dans lequel je me retrouve. Par contre, petit bémol, je ne sais pas ce que tu as pensé du dernier. Je crois que on parlait des films de trop. C'était nostalgique, voilà. Mais on ne retrouve plus le dynamisme de d'Eddie Murphy comme à ses débuts. Il c'est toujours un bon acteur, mais ça a pris un coup de vieux. Oui, ouais, c'est là. En plus, le doublage français de Melendo étant décédé, ça, j'ai pas retrouvé la magie des films de tous ces films. D'Axel Foley. Enfin, ce serait pas le personnage d'Axel Foley. On se dirait, bon, ben, c'est un nouveau personnage, pourquoi pas. Mais là, clairement, le film s'appelle Axel Foley. En plus, Flic de Beverly Hills, Axel F. Oui, déçu. Mais content d'avoir revu Eddie Murphy. Oui, on se fait plaisir. Il y a plein de films comme ça, mais c'est un petit peu, des fois, on se dit, bah oui, c'est un peu dommage parce qu'on a envie de le voir. Et puis à la fin, on dit, bah, ouais, finalement. Ça aurait peut-être mieux fait de ne pas en faire un dernier. Bah, c'est comme typiquement Les Bronzés 3. Voilà, exact. Bah, voilà, enfin, j'avais ça aussi à l'esprit. C'est on veut, et puis finalement on est déçu. Donc c'est parce qu'on regarde, c'est un film, on le regarde à une certaine époque, avec une tranche d'âge, on a tel âge, et puis on le voit plus tard, on se dit, bah, ouais, peut-être. On est déçu parce qu'on attend, et puis nous aussi on vieillit, donc on a plus le même état d'esprit, et puis les personnages ont changé aussi, ils ont évolué, les acteurs aussi, et voilà, des fois on est... Avec un scénario qui doit coller dans l'air du temps, et qui... Voilà, en plus... Qui, voilà, on n'a pas le même regard non plus, et mais c'est vrai, on l'a attendu, s'il n'était jamais sorti, on aurait toujours eu cette impatience, et puis finalement, bah, on trouve tout ça pour ça. Tout ça pour ça, voilà, bien résumé. Eh bien, je te propose à nouveau une bande originale de film. Alors, d'un film de potes, là, c'est American Pie, donc il y a eu toute la saga, et là, c'est le morceau de Good Charlotte, The Anthem. Après cette pause musicale, nous allons passer au coup de cœur vidéo. Alors, mon coup de cœur vidéo, c'est Apocalypto, donc un film américain réalisé par Mel Gibson, qui est sorti en 2006. Le film se déroule au Mésomérique, hein, c'est-à-dire dans la péninsule de Yucatan, donc le Mexique, pour être beaucoup plus précis, dans ces environs-là, à la fin de l'époque post-classique, aux environs des années 1500, donc juste avant la découverte de l'Amérique, à peu près, de l'Amérique du Sud, parce que c'est très bien que Colomb n'a pas été se balader partout. Donc c'est l'histoire de Pat de Jaguar, qui est le fils du chef d'une petite tribu forestière, et son destin bascule lorsque leur village est rasé par des guerriers mayas chargés de rapporter des captifs pour des prochains sacrifices humains qui se passera dans leur cité. Donc, fait prisonnier et emmené de force, Pat de Jaguar fera tout pour survivre et retrouver sa femme et son fils, ce qu'il a caché pendant l'attaque du village au fond d'un puits. Donc, moi, j'avais bien aimé ce film, vraiment un film d'aventure, en langue maya, avec... je me t'ai dit au départ, mais qu'est-ce que ça va être? J'adore Mel Gibson, mais qu'est-ce qu'il va... Un film... où on parle pas un langage connu, ça va être terrible. Et j'ai pris une claque, parce qu'en fait, on regarde ce film un peu comme un documentaire historique, mais avec de l'action, et moi j'avais... Bon, très violent, c'est pas à mettre entre toutes les mains, et bon, j'ai voulu remettre ce film à l'honneur, entre guillemets, parce que normalement, il y a une suite qui va arriver, et qui va nous raconter l'arrivée, le choc des cultures entre ces Amérindiens et les civilisations espagnoles qui va arriver. Donc, moi, j'avais bien aimé ce film-là. Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, je ne connaissais absolument pas. Donc là, tu me fais découvrir ce film. Alors, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a des sacrifices humains. C'est très violent. Bon, mais les films de Mel Gibson, en général... Ils le sont. Hein, ils le sont. Mais passion, bon... La Passion du Christ Braveheart. Voilà. Mais bon, c'est... Quelque part, ça fait partie de l'histoire. C'était comme ça. Justement, je préfère une histoire vraie qu'une histoire édulcorée, entre guillemets, ou hollywoodienne. On parlait des Robin des Bois, par exemple, les Robin des Bois avec Errol Flynn en collant, qui se file pas et compagnie. Ça a son charme, mais c'était pas très réaliste, puisque le Moyen-Âge, on sait que c'était pas... on se promenait pas en costume. Ah, il y en avait des beaux costumes, mais ils restaient pas très longtemps. Donc, Apocalypto, ouais, je le conseille. C'est vraiment un film d'aventure. Et le fait, oui, d'avoir utilisé une langue, il l'avait fait, oui. Comme La Passion du Christ, c'était en araméen. Et là, c'est dans le langage maya et compagnie. Donc, et on arrive à rester passionné. Parce que l'histoire est passionnante. Ensuite, mon coup de cœur vidéo, c'est La Fabuleuse Aventure de Marco Polo. Alors là, on se balade dans le temps aussi. Hein. Un film afghano-égyptien, franco-italo-yougoslave. Alors là, c'est vraiment la pleine coopération. Alors donc, un film co-réalisé par Denis de la Patellière et Noël Howard, donc un Français, un Américain, sorti en 1965 avec... Alors là, par contre, il y avait un casting de folie. Urs Buchholz, qui était dans Les Sept Mercenaires, un des Sept Mercenaires, Anthony Quinn, Robert Hossein, Bruno Kremer, Omar Sharif. Donc vraiment un casting 3 étoiles avec en plus l'internationalité. Donc ça que j'avais bien aimé à l'époque. Et donc ça se passe au XIIIe siècle où le jeune Marco Polo, qui est fils d'un marchand de commerçants vénitien, va à Pékin pour rencontrer l'empereur mongol Kublai Khan. Donc l'empereur qui était d'origine mongole. Hein, c'était à l'époque... Ils avaient construit la muraille de Chine, mais ça n'a pas forcément marché puisque les Mongols ont réussi à prendre et à devenir eux-mêmes des résidents permanents, on peut dire, de la cité de Pékin. Alors, Marco Polo va transmettre un message d'entente, un message commercial, puisque à l'époque, le but, c'était de faire du commerce. Hein, c'était pas forcément d'aller voir « Coucou, comment tu vas ? Ça existe là-bas ». Et donc, c'est le pape Grégoire X qui représentait l'Occident chrétien à l'époque. Et Marco Polo va assurer donc la pérennité de l'empereur en déjouant les tentatives d'usurpation de son trône, en devenant en quelque sorte son ambassadeur dans différents pays d'Asie. Et Marco Polo, c'est un personnage historique qui a vraiment existé. Et si on connaît par exemple la poudre, les spaghettis, on pense que c'est italien, ben non, ça vient de la Chine. Et en fait, il a été resté prisonnier pendant des années. Au départ, c'était un ambassadeur, mais pris un petit peu en otage. Et après, bon, bah, vu qu'il a rendu très service à Kublai, il a été à nouveau autorisé à retourner chez lui et à faire... Mais bon, c'est vraiment passionnant. plusieurs versions, des séries aussi, mais cette version est assez hollywoodienne, donc c'est assez sympa à voir pour les gens qui veulent les films en noir et blanc et les films d'aventure. Bon, il y a les versions. J'en ai vu une récente qui était aussi sympa. Moi, je trouve ça. J'adore les films d'aventure de ces époques-là. Donc, si vous avez envie de découvrir, bah, c'est l'occasion aussi. Et puis, bien, les news. Eh bien, on apprend que Red Sonja. Donc un film américain réalisé par M.G. Bassett et dont la sortie est prévue en 2025, mettra en scène le personnage de Red Sonja, créé par Roy Thomas, parce que Red Sonja vient de l'univers de Conan au départ, et donc il y avait eu Kalidor avec Schwarzenegger à l'époque qui avait été fait, qui devait s'appeler Red Sonja, mais finalement, étant donné que c'était Schwarzenegger qui était la vedette, il avait un rôle secondaire, celui de Kalidor, et Red Sonja devait être l'héroïne, et donc le film avait été un petit peu galvaudé et transformé. Donc là, à nouveau, c'est la version avec Red Sonja en vedette, donc une héroïne féminine d'Heroic Fantasy. Donc moi, étant très fan de Conan, les premiers de Milius, j'avais envie de voir. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce que ça va donner. Bon, bah, là, on va voir la possibilité d'avoir Red Sonja en héroïne. À l'époque, c'était Brigitte Nielsen qui avait joué Red Sonja, mais on l'a cité en second rôle pratiquement. Et c'était Schwarzenegger qui bouffait le film. Là, je voudrais voir ce que ça donnait, une adaptation avec vraiment elle au cinéma. Et donc, ça sera bientôt. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un totalement sous la coupe d'un tyran maléfique qui souhaite détruire ses proches. La chasseresse barbare Red Sonja doit former un groupe de guerriers improbable pour affronter Dragan et sa dangereuse épouse Anissa. Donc, ça fait un penser un peu au 13e guerrier qu'on a vu avec Banderas. Donc, où on fait une espèce de bande un petit peu disparate pour donc vraiment de l'univers d'Heroic Fantasy. Voilà, donc à voir, à découvrir, on ne sait pas ce que ça donnera, mais bon, en tout cas, moi j'irai le voir. Eh bien, je note, tu as bien pitché, donc je me le note. Eh bien, maintenant, retour au thème, hein, on va vraiment aborder le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les films de copains. Alors, quel est ton film favori sur le thème du jour ? Alors, c'est Le Cœur des Hommes. Voilà, une histoire d'amitié à travers une bande de quadragénaires. Voilà, j'aime ce film parce qu'il traverse des moments de bonheur, de doute, des drames, des remises en question avec où chaque personnage a son propre caractère. Les quatre personnages principaux, il n'y en a pas un qui domine par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment une histoire de bande de copains. Voilà. Après, il y a cette complicité entre les personnages avec des dialogues plutôt drôles par moments. C'est touchant aussi avec quelques scènes cultes, voilà, où chacun a sa propre scène culte. Et je trouve que voilà, Le Cœur des Hommes est un très bon film de copains. Alors, il y a bien évidemment les bronzés font du ski qui sont de très bons films que j'adore aussi, mais voilà, Le Cœur des Hommes, il est pour moi à part avec ce côté émouvant, touchant aussi. Le Cœur des Hommes 2 était très bien aussi, et je m'arrêterai là. Alors, quel est selon toi l'acteur qui représente le mieux le thème du jour? Le copain ou les copains suprêmes. Alors, pour moi, c'est pas un acteur, c'est une bande, c'est une troupe, bah, c'est le Splendide. Voilà. Pour moi, le film de copains, c'est avec la troupe du Splendide. Voilà, ils ont cette unicité dans la manière de jouer. Pour moi, c'est voilà, il n'y a pas un acteur, tous ne font qu'un. Alors, au niveau de musique de film, est-ce que tu as une musique de film qui te fait toujours rappeler ce thème et qui t'amuse toujours autant ? Oui, la musique qui pour moi fait penser à la bande de copains, c'est « Je suis ton ami » de Toy Story. Voilà. On parle de film, mais là on est dans un film d'animation. La bande de copains jouée par des jouets, voilà. Qui vont courir après le garçon avec qui ils ont partagé tant de moments et qui grandit. Et voilà, arrive aussi un nouveau membre joué par Buzz l'éclair, Et puis bah, s'ensuit au fait l'histoire avec au début on n'accepte pas et puis après on est un pour tous et voilà. Tous pour un. Le fait de on est toujours effrayé par ce qui vient de l'extérieur et puis on peut après se faire des nouveaux copains. C'est un peu la morale de cette histoire, il ne faut pas rester enfermé dans son cocon et puis aller des fois trouver de nouveaux amis. Et puis c'était un des premiers Pixar aussi, j'étais un petit peu plus jeune et puis bah, ce film est indémodable et puis bah, cette chanson donc, en version française chantée par Charlie Couture est pour moi un des exemples phares dans la chanson de Bande de copains. Alors quel est ton personnage favori du film sur le thème ? J'adore Jean-Claude Duss. Tout le monde ne pas. Puis en plus, bon, bah, c'est vrai que Michel Blanc ayant récemment disparu. Oui. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir, son dernier film, où il était présent. Donc, ça va être assez émouvant de voir d'ailleurs un film avec un acteur qui vient juste de disparaître, qui pour nous est encore là, quoi. Et je pense que ça va être un bon moment d'émotion. Parce que c'est vrai que ça. Puis Jean-Claude Duss. C'est tout. Enfin. Et c'est marrant parce que tout le monde connaît Jean-Claude Duss. Tout le monde connaît Jean-Claude Duss et tout le monde connaît des Jean-Claude Duss. C'est ça qui est marrant. Et on ne veut surtout pas être Jean-Claude Duss. Et on veut surtout pas être Jean-Claude Duss de quelqu'un comme bien l'autre. Eh bien, je vais te proposer maintenant de passer au fameux quiz vu pas vu où nous allons un petit peu voir les films. Alors une liste non exhaustive parce que il y a trop de films sur le thème. Et puis, bah, tu me dis ouais, ce que tu en as pensé ou si tu ne l'as pas vu. Je te rassure, je n'ai pas vu tous ces films. Parce que, pareil, hein, bah, manque de temps, comme on dit, et puis on ne peut pas être omniscient. Il y a une sacrée liste. Hein. Voilà. Et encore, c'est limité. Hein. Donc, bah, je commence notre petit voyage dans le temps par La guerre des gosses. J'ai découvert ça en préparant l'émission. Un film de Jacques Demy et Eugène Désic de 1936. Et si je te dis derrière, ça inspire aussi La guerre des boutons. Alors, La guerre des gosses, en toute honnêteté, j'en avais jamais entendu parler. Bah ouais, c'est... Et La guerre des boutons, oui. Alors, le 62, hein, donc... ensuite, on a La guerre des boutons, ça recommence. Le film britannique de John Roberts en 94. Là, c'est la même histoire, mais au lieu d'être en France, on est en Irlande, de ces deux petits villages irlandais. Celui-là est sympa, justement, parce que, contrairement à après, bon, on va parler, il y a eu La guerre des boutons de Yann Samel en 2011 et La nouvelle guerre des boutons de Christophe Baratier en 2011, comme par hasard, comme on le disait tout à l'heure, ça marche, on essaye. Eh bien, j'ai préféré le film des Irlandais que... Bon, la version originale, bien sûr, Niamh Robert est vraiment génial, avec Petit Gibus et compagnie. Mais voilà, bon, si on mettait un petit peu dans la catégorie, je ne sais pas les films que tu as vus. Pas vus. Là, ceux que tu viens de citer. Les derniers, franchement, c'est pas mal. Bon, on a mis des acteurs un petit peu plus bankable, El Mosino, voilà, des gens comme ça. Mais ça a perdu charme. Bon, comme tu disais, je pense que c'est des films qui ont été faits pour redonner goût à une jeune génération à regarder ces films-là. Mais bon, pour moi, l'original. Par contre, je n'ai pas vu celui de 36 non plus. Et d'ailleurs, c'est un de mes buts de le voir pour vraiment pouvoir comparer avec Yves Robert ce qu'il a fait derrière. Ensuite, on reste dans les anciens films. En 1936, on a La belle équipe. Non plus, pas vu. Assez sympa, donc avec une bande d'ouvriers qui se rencontrent et qui essayent de je crois qu'ils gagnent le loto, quelque chose comme ça. Et, enfin, et donc, ils décident de faire quelque chose entre copains, de faire construire une guinguette ou quelque chose comme ça. Donc, c'est bah, vraiment très époque 36, quand j'ai payé et compagnie. Donc, on sent bien la patte sociale de ce film de copains. Ensuite, Ma Jeannette et mes copains de 51. Voilà, c'est un film un peu social à la Ken Loach, puisque ça se passe dans le milieu des mineurs, dans le Nord. Donc, bah, pareil, une bande de copains qui alternent la vie à la mine et les moments entre potes. Donc, un film plutôt social. Non, pas vu. Ensuite, Les copains du dimanche, en 57. Alors, il me parle, et je me revois prendre le DVD quand j'étais à la bibliothèque du lycée, mais il ne m'a pas marqué. Donc, c'est une bande de potes, pareil, qui se retrouvent le dimanche pour construire un avion dans un hangar. Donc, le but du jeu, c'est de construire, c'est des mécanos, et de construire, c'est des bricoleurs. Ils décident, bah, tous les dimanches, ils se retrouvent pour fabriquer leur avion. Donc film en noir et blanc, pareil. J'avais trouvé assez sympa le thème. Alors, un film de vieux copains, c'est le moment de le dire, Les Vieux de la Vieille, de 1960, avec Jean Gabin. Non, pas vu. Et Noël et tout ça. Bah, trois vieux copains d'un village infernal qui font les 400 coups. Ils emmerdent tout le monde dans la ville. Donc, ils décident de les mettre dans une maison de retraite. On ne disait pas EHPAD à l'époque. Et ils sont tellement infernaux qu'à un moment, ils se font la belle et ils continuent à faire des conneries pas possibles avec un Jean Gabin, mais vraiment génial. Et je te souhaite de le regarder. Pareil, tu aimes bien les films justement noir et blanc et amusants. Bah, celui-là vaut vraiment. Et puis, Jean Gabin. Donc, rien que lui. Et les trois sont vraiment excellents. Ensuite, Jules et Jim de 62 avec John Moreau, entre autres. Oui, celui-là, je l'ai. Et la fameuse musique. Donc, j'avais mis La Guerre des Boutons 62, mais bon, comme j'en ai parlé avant, je vais pas en reparler. Les copains en 65 avec Philippe Noiret, Bedos et tout ça. Non, pas dont vu. On a écouté la musique tout à l'heure de Georges Brassens. Donc pareil, une bande de copains parisiens qui décident de partir en vélo, en goguette, pour faire des conneries. Mais alors vraiment, on a l'impression d'avoir une bande d'ados et ils vont mettre le feu entre guillemets dans une ville en mettant, par exemple, faisant démarrer un feu d'artifice avant, se faisant passer pour un général qui vient visiter des troupes dans une caserne. Enfin, ils font vraiment les pires conneries. Une inauguration de statue, des blagues potaches, mais... Et puis oui, un casting avec plein d'acteurs qui se connaissent. Je crois que je sais pas si c'est par Rochefort aussi. Enfin, vraiment des pointures qui étaient alors des jeunes acteurs. Mais ça, c'est assez sympathique à voir. Ensuite, L'Aventure, c'est l'Aventure, 72. Oui, celui-là, je l'ai vu, oui. Avec Jacques Brel et Aldo Maccione en train de séduire. La fameuse marche, ben, c'est la première fois. C'est une culte, hein. C'est une culte. Oui. L'enlèvement de Johnny Hallyday, enfin, les trucs de folie. Donc, absolument à voir, Lino Ventura. Et moi, je vais Charles Denner, et je me souviens bien. Et puis, c'est vraiment... À voir, quoi. Mais je crois qu'on a tous fait au moins une fois la même mimique que Aldo Maccione, juste pour rigoler, ça. Ensuite, eh bien, un film alors très controversé, un film de copains, La Grande Bouffe, qui de 73, qui avait fait avec un scandale. Il y a un scandale. Andrea Ferreol, Piccoli, Mastroianni, et qui portent leur propre prénom dans le film. C'est ça qui est assez marrant. Bon, des gens qui décident de se suicider dans une espèce d'orgie à mort, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un film choquant. Mais bon, moi, je l'ai regardé plusieurs fois, mais ça m'a toujours fait... Même si c'est assez triste, mais de voir Noiret crever dans son gâteau ou des choses comme ça, c'est vraiment terrible. Ensuite, L'Épouvantail, en 73. Non, pas vu. Vincent, François, Paul et les autres de 74, avec Yves Montand. Celui-là, oui. Les Valseuses, donc une bande de potes, mais bon, maintenant, oui. C'est ce que je dis, ce film de 74, maintenant, il serait censuré, c'est pas possible. Parce que c'est un peu dommage, parce que pour moi, je vois des chaînes de télé qui... Oui, mais est-ce qu'on va pas le boycotter? Est-ce qu'on va pas l'enlever de notre catalogue? Ah non, c'est s'auto-censurer. C'est un film d'époque. Hein, c'est sûr que ce qui se passe avant, bah, on n'en est pas responsable. Il y a des sujets, et je pense que c'est... faut pas juger... C'est très dur de juger un film par rapport à son époque quand on n'y est plus. On en parlait tout à l'heure dans le film où on s'auto-censure. Maintenant, pour moi, on s'auto-censure. On a tellement peur de... justement, avec le média plus ou moins acharné, les critiques plus ou moins acharnées, qui aiment bien lécher les bottes, bah, derrière, on obtient une censure et des films lisses. Et je pense qu'un film, par exemple, comme La Grande Bouffe, comme Les Valseuses, bah, ça a eu l'honneur d'exister. Et puis, faut pas cracher dessus spécialement, parce qu'ils sont plus au goût du jour. Ensuite, j'ai mis Mes chers amis en 75, un film italien. Ça me parle pas. Alors, ça. Peut-être une scène que tu as vue que moi j'ai fait étant ado. Cette bande de copains, en fait, il y a un train qui part. Et c'était à l'époque où encore les wagons étaient ouverts avec les fenêtres ouvertes. Et donc le train part et eux, ils sont toute la bande, ils sont en enfilade. Bang, bang, bang, bang. Ils mettent des tartes à tout le monde. Et c'est bidonnant de voir ces grands mecs faire cette connerie. Et voilà, ça fait un petit peu comme Les Copains tout à l'heure, un bon film italien de la bonne époque, entre guillemets, puisque le cinéma italien était excellent. Et ce film-là m'avait vraiment marqué, bah, cette scène-là, tu vois, j'en parle encore aujourd'hui. Donc c'est un film aussi noir et blanc à voir. Ensuite, le duo de films « Nous irons tous au paradis » et « Un éléphant », ça trompe énormément. Oui, ça, c'est pareil, c'est culte, hein, avec des scènes mythiques. Enfin, la scène de l'aveugle dans le restaurant où il casse tout. La partie de tennis. Avec Margie Lalonga, quand elle débarque. Qui joue la mère de Guy Bedos, la mère bien collante et tout. Voilà. Très bon film. Le « Nous irons tous au paradis » un petit peu, disons, un petit peu moins bien. Voilà, mais bon... à voir pour voir du cinéma avec des bons acteurs en plus, donc ça se refuse pas. Ensuite, Les Sous-doués et Les Sous-doués en vacances. Alors ça, ils repassent tous les étés. Avec un Daniel Auteuil qui jouait à l'époque des rôles un petit peu de jeune premier beau. Mmh. Après, c'est vrai qu'il a évolué avec une carrière avec Jean de Florette et compagnie. Et il est parti après dans du cinéma plus d'auteur ou plus sérieux. Mais... ouais, c'est toujours rigolo de voir cette bande de gamins qui font des conneries pendant les vacances ou dans un lycée privé. Bah là, on est dans le film qu'on appelle un nanar, mais qui est culte et on prend plaisir à regarder à chaque fois qu'il tire passe. Ouais, c'est Madeleine de Proust parce que ça nous rappelle des souvenirs de lycée ou des choses comme ça. Ensuite, Les Copains d'abord de Lawrence Kasdan, The Big Child, un film de 83. Non, je l'ai pas vu. Pareil, un bon film. On retrouve plein de bons acteurs de l'époque. Ah, j'ai bouffé son nom, qu'on voit dans Jurassic Park. Qui joue le professeur Sam Neill. Non, pas Sam Neill. Jeff Goldblum. Voilà. Ça, je savais que ça allait revenir. Mais j'ai eu un petit trou dans l'air. Ensuite, le film de copain par excellence, Stand By Me, 86, tiré d'un roman de Stephen King. Eh bien, ça fait partie de ma liste parce que alors, je connaissais pas, mais du coup, en regardant un peu sur le thème, j'ai vu que c'était un film incontournable sur la bande de copains. Et Léon, ça, tu peux le voir avec ton père, il n'y a pas de problème, c'est un film... De potes, en plus c'est des gars qui ont ton âge à peu près, donc c'est assez sympa à voir. Ensuite, c'est un petit peu le passage de l'enfance à l'adolescence, puisque là c'est un petit peu une découverte, un road trip, je vous gâche pas le film, donc je vous laisserai le découvrir. Ensuite, Mes meilleurs copains de 89. Alors celui-là, je l'ai vu et j'avais beaucoup d'attentes parce que c'est vrai qu'il y a des acteurs, donc il y a Christian Clavier. Daroussin et Gérard Lanvin. Ouais. Gérard Lanvin est un acteur que j'adore et je me suis dit, ah, un film de copains avec Gérard Lanvin, il ne peut être que bien. Ah ben j'ai été franchement déçu par ce film. J'ai eu du mal à le regarder jusqu'au bout. Ah, c'est bizarre, parce que Daroussin, il est excellent là-dedans. Ouais, mais il n'y a pas que Daroussin dans l'histoire de copains, mais ouais. Mais c'est... Le problème, c'est que Clavier fait du Clavier, comme d'habitude. Donc, c'est un des acteurs, pour moi, qui n'a pas évolué, quoi. Il était bien dans Les Bronzés, mais depuis Les Visiteurs, il nous fait du Jacouille, et puis voilà, c'est... Et puis, il avait déjà... un petit peu ce rôle, un petit peu cabotin. Et, moi, j'ai du mal avec Clavier, j'avoue. C'est un des acteurs des Bronzés, enfin de la bande du Splendid, avec qui j'ai du mal à accrocher. Il y a le personnage des Visiteurs qui lui colle à la peau. Après, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je trouvais qu'il était un peu plus sobre et que... voilà. Ah, il joue toujours... ouais, mais c'est toujours le Jacouille derrière, le même style de jeu, quoi. Pareil, Napoléon, quand il a fait son Napoléon, on a l'impression de voir Jacouille faire Napoléon. Ça... voilà, il a une image, malheureusement pour c'est lui. C'est dur, hein, quand il y a un personnage qui colle à la peau. Ce que Michel Blanc a réussi à s'échapper de Duce, par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de ne pas tourner. Le problème, c'est de faire des films qui ressemblent à, et donc on retombe facilement dans le rôle. Thelma et Louise, on en a parlé en off. Oui. Donc, cette histoire de deux femmes, une espèce de road trip, l'amitié qui mène jusqu'à très loin. Oui. On ne déflore pas la fin. Des souris et des hommes, d'après le roman de Steinbeck. Non, j'ai pas donc, vu amitié ça. Entre quelqu'un qui est limité intellectuellement, C'est pendant la grande crise de 1929, donc une amitié un peu spéciale et qui se terminera de façon tragique. Les potes de Rasta Rocket. Ah bah oui. En 93. Indémodable celui-là. Indémodable, tiré d'une histoire vraie, avec John Goodman, un entraîneur pas possible, à voir absolument. Le Péril Jeune. Le premier film qui a vraiment révélé Romain Duris. Oui. Donc pareil, une bande de copains qui fait que des conneries. Bon, après, il ira dans la... Dans tous les films qu'on a vus, où j'aurais pu le citer comme film de copains, L'Auberge espagnole et compagnie, mais ses copains, et au départ, c'est plutôt étudiant, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément cité. Ensuite, La vérité, si je mens, 1, 2 et 3, donc avec toute la bande de Zoulou qui fait que des conneries dans le quartier juif du Marais, avec de bons dialogues. Et on s'arnaque entre potes, enfin, il y a tous les tout ce côté, et en plus Eli Kaku, donc ça a été ses derniers films. Un film que j'ai adoré, Quatre garçons pleins d'avenir, de 97, avec Elbaz. J'ai pas vu ça. Ces gars qui passent le bac et qui font que des conneries, donc il y a un fils à papa qui a une Mercedes, et ils vont détruire la Mercedes du père, ils vont aller squatter dans les fêtes où ils sont pas invités, ils essaient bien sûr de truander le bac, ils vont dans le lycée pour changer les notes, enfin c'est vraiment... assez marrant, je ne m'attendais pas justement à voir un film comme ça. Une pause musicale, maintenant, avec I Had a Lovely Time par The Killers, la bande originale du film Restons Groupés. Le spécial Bande de copains cinéphages avec Ludovic. Alors, on continue le quiz vu par vu avec Et ta mère aussi de 2001. Pas du tout, et jamais entendu parler de ce film. Donc, un film assez marrant, j'ai eu l'occasion de le voir, ça vaut le coup. Ensuite, Highway, par contre, celui-là, je ne l'ai pas vu, de 2002. Non, pas vu non plus. Le cœur des hommes, bon, 1 et 2, on en a parlé tout à l'heure. Sideways, 2004. Non plus. Donc un film pratiquement documentaire, mais une copie des Jackass, qu'on aurait pu signer, une bande de potes qui fait que des conneries. Bah, c'est Les 11 Commandements, 2004, avec Michael Youn et tous ses potes. Oui, je l'ai vu, mais... Bah voilà, bah oui, mais c'est... on reste un petit peu comme la musique qu'on a écoutée tout à l'heure. Je n'ai pas cité American Pie, la saga. Voilà, bah, c'est des blagues potaches. Ça fait partie aussi, bah, de, disons, des adolescents, hein, parce que c'est des jeunes adultes, limite adolescents, et puis bah, toutes les conneries qui peuvent être faites. Les Seigneurs de Downtown en 2005. Non plus. Film tiré d'histoire vraie, c'est les Seigneurs de Downtown, c'est les premiers gars qui faisaient du skateboard, le surf et skateboard, et donc c'est une espèce de bande de potes et on les voit évoluer et comment certains sont devenus des stars du skate et d'autres sont restés à un niveau plutôt prolo, tranquille, mais on voit un petit peu les différences, un petit peu la réussite dans le sport, l'ascension sociale. Et c'est assez sympa. Les Bronzés 3, Amis pour la vie. J'ai mis que le 3 parce que dans le 2, à la rigueur, ils commencent à être vraiment potes. Mais dans le premier, en fait, c'est des gens... Ils font connaissance. Voilà. Nos 18 ans, en 2008. Non. Qui raconte un peu, pareil, une histoire d'adolescent. On a Les Petits Mouchoirs, en 2010. C'est sur ma to-do list. Ensuite, Mon Pote, en 2010, comme son nom l'indique. Mon Pote. Ça me parle pas. Tout ce qui brille. Alors, on parlait des histoires de copines. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est un des rares films où c'est une bande de copines. Et très bon film, celui-là, avec évidemment une très bonne bande originale aussi. Oui, puis en plus, j'ai eu l'occasion de le voir en avant-première grâce à notre partenaire, les CGR Centre. J'avais vu l'équipe et j'avais pas pu faire l'interview parce qu'on n'était qu'invité qu'à l'avant-première, ce qui était déjà bien, mais on avait eu le droit un petit peu un petit peu ce qui s'était passé pendant le film. Copain pour toujours, en 2010. Non. Donc avec la bande d'Adam Sandler et compagnie. C'est des gens qui ont une famille, qui sont fixés, on peut dire, tranquilles, et puis ils se retrouvent des années plus tard avec leur famille, leurs gamins, et ils veulent faire revivre à leurs enfants. Un petit peu comme dans Bonjour les vacances, ils veulent faire revivre à leurs enfants ce qu'était leur jeunesse. On voit qu'il y a un choc des cultures, et puis les plus gamins de tous sont peut-être les parents. Il y a eu un 2 après aussi. Ensuite, La Part des Anges de Ken Loach en 2012. Non. Ça, c'est une bande de personnes qui se retrouvent en travaux d'intérêt généraux et ils doivent faire un espèce de road trip et ils vont aller visiter par exemple une distillerie de whisky et comme c'est un peu tous des paumés, ils décident après de cambrioler parce qu'on leur dit que tel whisky vaut tel je sais pas 40 ans ou 30 ans d'âge, je me rappelle plus, donc ils se mettent en tête de voler ce whisky, donc c'est assez marrant, surtout c'est vraiment des bras cassés, donc on voit comment ça va finir. Mais bon, vraiment du bon Ken Loach. Ensuite, Ted. Oui. Alors, c'est un peu space, je sais pas. C'est un film très, très sympathique avec ce nounours qui prend vie. Et puis qui est vraiment... Barré. Elle est barrée, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, Comme des frères, en 2012. Oui. Il m'a pas marqué, mais je l'ai vu. Five en 2016, oui, film français. Avec le début de Pierre Niney. Voilà, et où il joue des gars qui se retrouvent dans une histoire de deal alors qu'ils ne sont pas du tout très doués, on peut le dire. Ensuite, on a Cornish Kend en 2016. Non, je n'ai pas vu. Ça, on parle des films d'horreur. Ouh là! Là, vraiment, c'est une bande de copains qu'on peut revoir à deux époques différentes. Oui. Et alors, j'ai vu ça, mais pas la version de 2017. Le premier téléfilm. Oui, qui était d'ailleurs pour moi, je préfère, parce qu'il y avait déjà des super acteurs. Bon, le dernier est très bien. Par exemple, l'avantage du deuxième, c'est que le monstre est un petit peu moins carton-pâte que dans le premier, par exemple. Mais bon, on va pas les citer tous, mais il y a eu plein de on parlait de Souviens-toi l'été dernier, Scream. Blair Witch, Scream. Voilà, c'est des films de copains, mais bon, c'est plutôt des slashers. Donc j'ai dit, on va en parler un peu brièvement. C'est aussi les films d'horreur. Ensuite, on a Budapest. Oui. Où une bande de branquignoles décide de monter une affaire avec justement aller à Budapest et faire une espèce de tour pour les célibataires. Et en fait, ça part vraiment en cacahuète. C'est du grand n'importe quoi. Ensuite, Bully Games en 2019. Non, j'ai pas vu. Alors, Play de 2020. Moi, j'avais trouvé assez sympa ce gars qui filme. C'était avec Max Boublil. Il filme sa vie de sa jeunesse avec ses potes jusqu'à l'âge adulte. Et c'était à moitié en caméra, et le film est un petit peu, on parlait tout à l'heure du projet Blair Witch, bah, en fait, c'est l'histoire de sa vie à travers ses souvenirs de ses films, et l'évolution d'une bande de copains et de copines, et puis de tout ce qui peut se passer dans sa vie. Donc j'avais trouvé ça assez original, et on avait fait d'ailleurs un cinéphage spécial, puisqu'on avait eu la chance de pouvoir les interviewer, le réalisateur et Max Boublil. Ensuite, 3-0, oui, True Zero, de 2020. Alors, celui-là, non, 3-0. 3-0, oui, bon, oui. Là, c'est plus ou moins sur le foot, et les copains, c'est... Mais True Zero, non. Fisherman Friends, un film de 2021. Non. Alors, c'est simple, c'est sur une bande de copains pêcheurs, c'est une histoire vraie, qui, dans un petit village d'Irlande, ils pêchent, et à côté, ils ont... un groupe de musique où ils chantent des chansons de marins, quoi. Et en fait, il y a un producteur, tout commence par une espèce de gag entre des producteurs. Ils décident d'aller dans ce village, et puis ses copains se foutent un peu de lui. Et un des producteurs dit « Ah bah, faut que tu produises ces gars-là, tu vas voir, ils sont super et tout. » Et en fait, au départ, le gars, il croit que c'est pour se foutre de lui, quoi. Et au final, ces gens-là vont devenir des stars. Il est produit, il se fait virer de la boîte de production, et puis après, tout le monde les demande. Et donc, le dindon de la farce, ça se retourne. Et les faux amis, il se fait des vrais amis de ces pêcheurs, qui sont sincères et tout. Et ses copains qui ont voulu le blouser se retrouvent un petit peu les dindons de la farce. C'est assez sympathique, bande originale sympa, et un peu d'humour britannique à la vieille canaille ou des choses comme ça. Ensuite, Les Lendemains de Veille, 2021. Non. Pareil, sur des copains qui se retrouvent suite au décès d'un des leurs, qui a été tourné en partie dans la région. Pareil, la chance d'avoir eu l'interview des réalisateurs et de certains acteurs pour Cinéphage. Ensuite, BDE de 2023. Alors là, c'est des potes qui ont fait partie d'une grande école de commerce et décident de se retrouver, de partir en vacances. En cachette, et ils se retrouvent face à des nouveaux étudiants de leur école, et ça part vraiment en live. Celui-là, je l'ai vu. Avec Michael Youn et compagnie, et puis voilà, c'est vraiment le désordre total. Et puis pour terminer, Chien de la casse de 2023. Alors là, c'est un film plutôt dramatique, comédie dramatique, où on voit, ça se passe dans le Nord, et une bande de gamins... à la limite délinquants, et bon, certains veulent sortir de ça, et puis c'est pour ça qu'on les appelle les chiens de la casse, et on voit c'est des gamins fracassés et tout. Voilà, tu vois peut-être un ou deux films Oui, je vais juste citer deux films. Les Goonies, une bande de potes, des gamins qui partent à l'aventure, voilà, s'ensuit plein de péripéties. Et dans les bandes de potes, je pense qu'il y a un incontournable, c'est les films des Charlots à voir aussi. Oui, dans les films anciens. Dans les films anciens. Voilà, et puis pour terminer, Barbecue, qui est un film très drôle. Avec il y a eu Plan de Chat pour... Voilà, moi, je suis moins fan de Plan de Chat, mais je trouve que Barbecue est très bien écrit et très bien joué. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux sorties cinéma de la semaine et puis aux événements possibles. Alors, au CGR Centre, on a le droit à une soirée culte Easy Rider le mercredi 20 août à 19h20. Et ensuite, le cycle des soirées cultes continuera. Mais comme il y aura des cinéphages qui vont passer entre-temps, on vous en parlera. Et surtout, au cinéma studio, la soirée de l'horreur qui revient pour la 7e édition. Donc, 3 films d'horreur sur grand écran pour trembler et s'amuser jusque tard dans la nuit. Et entre chaque séance, des jeux et des animations avec des lots à gagner, ainsi qu'une buvette avec hot dog, salade et autres délires. Le balorifique sera donc le vendredi 25 août et ouvre à 18h avec un blind test musique de film et des lots à gagner. Et donc au programme, il y aura les films Crawl d'Alexandre Aja de 2019, It Follow de David Robert Mitchell de 2015, et bien sûr le Scream de Wes Craven, dont on en a parlé, de 1997. Donc allez-y, c'est toujours sympathique les animations qu'il peut y avoir au cinéma studio. Et il y a pour les enfants le Little Film Festival qui est de retour au cinéma studio donc au mois d'août pour les vraiment pour les plus jeunes. Alors n'hésitez pas à y aller. Et puis ben on en parle depuis plusieurs cinéphages, la saison Ciné Off Plein Air avec plein de films différents. Donc les projections démarrent en général à la tombée de la nuit. Donc vous prévoyez aussi vos fauteuils et un petit plaid si vous avez froid. Et en général, bah, suffit d'aller sur le site de Cinéoff et vous trouverez les endroits. C'est un petit peu partout en Indre-et-Loire, donc vous n'hésitez pas, vous pouvez vous faire plaisir. On parlait des Tontons Flingueurs, bah, c'est comme ça que je l'ai vu, moi, sur grand écran. Je l'avais vu qu'à la télé et un jour, j'ai eu l'occasion de le voir. Et ça vaut vraiment le coup. Oh, ça doit être pas mal, ça. Voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires des films à l'affiche de nos partenaires, les CGR Centre de Tours et les Studios de Tours. Pour cela, n'hésitez pas à aller sur leur site respectif et vous aurez tout ce qui concerne leur programmation. Nous voici enfin arrivés à ce cinéphage, à la fin de ce cinéphage spécial Les films de cinéma. Un grand merci à nos invités, Ludovic et puis Léandre, qui a été patient, qui nous a écoutés. Eh bien, merci à toi, Alain, pour l'invitation. Merci à la technique, comme d'habitude, hein, parce que sans eux, on n'existerait pas non plus. Et n'hésitez pas à nous contacter sur Radioactive si vous souhaitez devenir l'invité de Cinéphage. Ludovic, tu peux témoigner, je ne mange personne et on passe un bon moment. On passe un bon moment, on rigole bien et puis on refait le monde. Nous vous retrouverons donc au mois de septembre. Bah oui, comme tout le monde, on va prendre des vacances. Et on vous retrouvera donc pour le prochain Cinéphage en alternance avec Sérivore, notre émission sur les séries. En attendant, bah vous pourrez réécouter nos rediffusions d'anciens Cinéphages en août. Et jusque-là, bah continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye les Cinéphages et bonnes vacances!